Restez avec nous, on écoute Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Tous les belligérants sont convaincus de mener une guerre juste. Cette semaine, du document au documentaire. La silhouette du héros-soldat est mise en avant et se détache souvent d'un paysage ravagé. Affiches, passeports, les armes, les canons, les cartouches sont des éléments surreprésentés. Livres et autres supports. On assiste à un mouvement de propagande politique à une échelle mondiale où l'affiche est pratiquement devenue une arme. La guerre ou la paix. La symbolique doit être immédiatement identifiable. Comment penser et limiter la guerre ? Comment construire la paix ? L'exposition « Guerre et paix » organisée en partenariat avec les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fondation Bonne-Mère vise à retracer le dialogue immémorial entre la nature guerrière de l'homme et son profond désir de paix. Depuis l'Antiquité, l'homme n'a jamais cessé de penser, de justifier, de conduire et de glorifier la guerre, mais il s'est toujours aussi attaché à vouloir limiter ses pires abus, à la condamner pour ses ravages, et à imaginer et travailler à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Nous retrouvons Pierre Azan, commissaire de cette exposition « Guerre et paix ». Alors, cette fois, c'est moi qui vais entraîner le commissaire de l'exposition vers une pièce qui m'a énormément interloqué. Il s'agit d'un traité de paix perpétuelle entre le corps helvétique et la France. La vitrine 16, c'est le Paris de la paix, mais elle est sous-titrée « Signer la paix ». Alors imaginez donc un document qui ferait quasiment un mètre carré, entièrement couvert d'une écriture extrêmement régulière, où le ou les auteurs du document ont également pris le soin de varier les fontes dans les hauteurs, de pouvoir même des caractères gras ou léger, donc une précision absolument extraordinaire. On peut imaginer qu'il a fallu beaucoup de temps pour arriver à ce résultat-là. Et puis, tout autour, des cordes tissées qui encadrent et fixent le document, tandis qu'au bas du document, alors là, je vais vous laisser peut-être à votre tour, Pierre Azan, nous décrire ce que nous avons devant les yeux, qui est particulièrement saisissant. Alors nous avons en fait un premier sceau qui est très grand, très gros, et c'est celui du roi de France. Et à côté, nous avons 18 sceaux qui sont autant de cantons suisses. Donc ce traité de paix perpétuelle entre la France et la Suisse a été signé en 1516, c'est-à-dire exactement une année après la bataille de Marignan. Et par ce traité, les Suisses acceptent de renoncer au territoire du Milanais, se garde cependant le Tessin, et en échange, la France leur octroie des compensations financières. Alors, cela fera sans doute sourire les esprits les plus tordus, mais fallait-il s'en étonner ? Le sceau français est beaucoup plus gros que le sceau des autres cantons, mais il faut le reconnaître quand même, entre les cantons, de sensibles différences de taille. Il faut préciser que ces sceaux sont accrochés au traité manuscrit par des cordes tressées, comme s'il fallait qu'en aucun cas les cantons ne se détachent de la promesse de la paix inscrite sur le parchemin. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la signature de chaque canton et du roi de France pour symboliser effectivement qu'ils sont partie prenante à ce traité perpétuel de paix. Ça, nous avons devant nous la version suisse qui est écrite en allemand et il y a une version française qui est entreposée à Paris. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Jean-Charles Giroux. J'ai été directeur de la Bibliothèque de Genève. Je suis maintenant à la retraite. Et durant mon activité à la Bibliothèque de Genève, eh bien, je me suis beaucoup occupé des affiches, de la collection d'affiches, qui est une des grandes collections suisses d'affiches. C'est donc, si je comprends bien, le hasard, les circonstances, et non pas forcément un goût premier avant d'entrer en poste, qui vous a mis en relation avec l'affiche, avec le monde de l'affiche ? Tout à fait. Le plus grand des hasards. Et quand je suis arrivé à la bibliothèque de Genève, c'était il y a fort longtemps, plus de 40 ans, et bien, il y avait dans mon cahier des charges, parmi beaucoup d'autres choses, la collection d'affiches. Et j'ai regardé ce que c'était, j'ai découvert ce monde de l'affiche, et puis j'ai essayé d'agrandir la collection, de la mettre en valeur, et puis ça a pris une place de plus en plus grande dans mon cahier des charges, et à mon plus grand plaisir. Alors on va essayer de ne pas rester en survol, mais de s'approcher de, à hauteur d'homme. Vous avez un souvenir peut-être concret de ce qui, dans le domaine de la première fois, va tout d'un coup... vous dire, ça c'est vraiment très intéressant, ça j'ai envie d'aller voir de plus près, ça j'ai envie de... Vous avez un souvenir de ça ? Oui, alors très net, parce que la collection d'affiches, c'était vraiment quelques affiches qui étaient dans un très grand tiroir, mais il y en avait quelques-unes qui étaient très très belles du début du XXe siècle, et je me suis dit, tiens, elles sont imprimées à Genève par une société qui s'appelle la Société Suisse d'Affiches Artistiques. C'est vraiment très curieux, c'était, je regarde dans quelques livres d'histoire de l'affiche, on n'en parle pas, et effectivement, je découvre que s'il y avait tout un mouvement de l'affiche autour à Genève au début du XXe siècle, c'est un travail de pionnier en Suisse. La Suisse est vraiment une des grandes maîtresses, si j'ose dire, de l'affiche dans le monde aujourd'hui, eh bien, le mouvement a commencé à Genève. Quand vous découvrez cela, la société, l'entreprise a déjà disparu, j'imagine. Presque. Presque. Elle est devenue la maison Sonore qui éditait la Suisse. Ouais. À l'époque, hein, c'est vraiment la Suisse a disparu depuis. Et puis, j'ai pris contact avec Sonore et j'ai été très bien reçu. Et on m'a ouvert des archives, on m'a ouvert, il leur restait des affiches. Ils ont fait un grand don à la bibliothèque. Et c'est comme ça qu'on découvre un fonds patrimonial important. Vraiment, ce sont des œuvres d'art par des artistes aujourd'hui bien loin de la mémoire, malheureusement. Mais enfin, dont j'ai essayé de faire revivre la mémoire. Et puis, voilà, c'est parti. Vous n'auriez pas eu la présence d'esprit de prendre le bottin, le téléphone, d'aller y voir, ces affiches, l'entreprise disparaissant, mettant la clé sous la porte, aurait peut-être fini, on ne sait où. Mais en tout cas, pas là où vous avez fini par les faire aboutir. Oui, ça c'est un heureux hasard, mais il y en a parfois des malheureux, et au cours de sa carrière, on apprend qu'effectivement, le fond d'affiche est parti à la poubelle lorsqu'on a déménagé. Ah oui, tout à fait, on avait des projets, oui, maman, on a tout mis à la poubelle parce que personne s'y intéressait. Voilà, alors ça fait des crève-cœurs qui sont compensés par des très heureuses surprises. Alors qu'est-ce que c'est que ces affiches-là, je parle de celles dont vous venez de nous parler, elles englobent à peu près tous les mondes, artistiques, politiques, religieux peut-être ? Voilà, c'est toutes les affiches qui sont imprimées pour être diffusées sur les murs, que cette diffusion se fasse tout à fait légalement ou illégalement par l'affichage sauvage. Alors c'est ce qu'on essaie de faire et ce que la bibliothèque continue d'essayer de faire, c'est de ramener dans ses collections toutes ces feuilles d'une certaine taille, avouons qu'il faut quand même une certaine taille pour passer le cap de l'affiche, et puis qui sont diffusées sur les murs, qui sont toujours intéressants, qui ont une vie très éphémère, quelques jours, quelques semaines, mais qui porte beaucoup plus que de l'éphémère, parce que une affiche, pour vivre, elle doit être très forte, elle doit attirer l'attention, l'image doit avoir de l'impact, et cette image peut avoir de l'impact, et c'est souvent un condensé, une synthèse de la société, de ses valeurs, de ses préjugés, enfin de tout ce qu'on utilise pour communiquer rapidement. Et ces images gardent une valeur et sont vraiment des témoignages qui restent importants. Mais à cette hauteur de vue que vous pouvez avoir et vu le nombre qui ont défilé devant vous, diriez-vous que l'image en termes de nombre, en termes numériques, en termes d'affiches, dépasse les affiches textes essentiellement écrites ? Quel est le rapport de l'un à l'autre ? Alors, pour faire de l'histoire, au XIXe siècle, ce sont essentiellement des affiches typographiques, donc de texte, et l'image qui coûte cher, l'image, il faut pouvoir la reproduire en grand format, il faut la lithographie pour ça, et quand la lithographie intervient à la fin du XIXe siècle, elle coûte beaucoup plus cher, mais elle va supplanter le texte. Et donc, et l'image de l'affiche va être vraiment quelque chose d'original. Justement, c'est un objet de communication rapide qui va vraiment prendre une dimension de plus en plus forte, de plus en plus... D'ailleurs, qu'on pourrait critiquer parfois, parce que l'image peut devenir totalement manipulatrice, l'image de l'affiche. Mais effectivement, au XXe siècle, on voit de moins en moins d'images de texte. On en voit, parfois il y a même un jeu sur la lettre, une typographie très bien maîtrisée, c'est absolument magnifique. Mais l'image, je dois dire, est quand même nettement dominante. Concernant l'affiche suisse, genevoise, a-t-on affaire à des surfaces à peu près maîtrisées, si l'on doit comparer avec des panneaux d'affichage ailleurs dans le monde? On sait qu'on affiche très large, très grand, là où la Suisse, en tout cas jusqu'à une certaine période, jusqu'à une certaine date, se satisfait, se contente d'un affichage à peu près moyen, avec une taille homogène, standard. Voilà, il y a des standards tout à fait qui sont introduits au début du XXe siècle justement par la Société Générale d'Affichage, et puis les standards vont rester pratiquement tout le XXe siècle, et on va rester à ce qu'on appelle le format mondial, mais qui porte très mal son nom parce que il n'existe qu'en Suisse, et puis il y a un format culturel un peu plus petit. C'est tout à fait révélateur. Oui, tout à fait, c'est drôle. Et puis peu à peu, des plus grands formats vont s'imposer. Après donc. Après, ouais. Je dirais, c'est dans le dernier quart du XXe siècle. À la suite, je dirais, en France, par exemple, il y a d'immenses, ils ont toujours eu une tradition d'immenses affiches, 4 mètres carrés fois 3. Alors on commence à en voir ensuite, d'ailleurs on en voit maintenant. Mais il faut les murs, il faut les espaces, et c'est pas toujours le cas. Mais je dois dire qu'aujourd'hui on en trouve des 12 mètres carrés. C'est vraiment immense comme affiche, mais la tradition française dans ce domaine-là est beaucoup plus longue, dès le 19e siècle on en trouve. La fin du 19e siècle marque l'âge d'or de l'affiche illustrée. Le développement de l'industrie et du commerce, les nouvelles politiques d'urbanisation et les créations du réseau de métropolitains dans les grandes capitales donnent aux villes de vastes zones affichables. La publicité envahit les publications. Bien avant la radio et la télévision, c'est l'affiche qui est synonyme de modernité. Pendant la Première Guerre mondiale, les affiches sont surtout un moyen de propagande. Il suffit de substituer les slogans publicitaires par des messages politiques, idéologiques ou économiques. Tous les belligérants sont convaincus de mener une guerre juste. Cette notion est reprise sur les affiches qui n'incitent plus à consommer, mais insistent sur la nécessaire participation et mobilisation de chacun dans un esprit de sacrifice, de patriotisme et générosité. Jean-Charles Giroux, on va s'intéresser à un article que vous avez donné pour ce catalogue « Guerre et paix » relatif à cette exposition dont nous parlons cette semaine, dans la perspective d'un prochain documentaire portant sur la guerre, le rapport de la science et la guerre, avec un documentaire intitulé « Notre ami l'atome ». On mesurera évidemment sans doute l'effet un peu ironique contenu dans le titre en question. Et évidemment, dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui, l'affiche, la guerre et la paix sont extrêmement présents. L'affiche est porteur de ces différents messages. Est-ce que on peut peut-être, là encore, sur le plateau de la balance, voir un peu de quel côté pencherait plutôt le plateau? Plus d'affiches de guerre, plus d'affiches de paix, ça s'équilibre, ça dépend des périodes. Éclairez-nous. Ah ben je dirais que globalement, sur le XXe siècle, et bien malheureusement, l'affiche de guerre est innombrable, alors que l'affiche de paix est un petit pourcentage dont on pourrait même discuter de savoir si, en prônant la paix, on n'est pas en train de prôner d'une manière détournée la guerre. Pourquoi ? Parce que la paix, qui est valorisée naturellement dans notre morale, c'est quelque chose de... On veut la paix, tout le monde est pour la paix, mais quand certaines affiches prônent la paix, eh bien, on doit se demander exactement qui la diffuse, qui la fait, et en quelle intention. Et je pense notamment à tous ces mouvements pour la paix qui a eu lieu à la fin des années 40, dans la guerre froide. Alors, la guerre froide, la paix a été un enjeu absolument paradoxal et inouï. Un pacifisme politique. Un pacifisme politique. Venu de l'Est. Venu de l'Est, et dont le but était d'affaiblir, c'était le Comintern qui avait cette politique-là, d'affaiblir les démocraties occidentales en les pourrissant de l'intérieur et en proposant des mouvements de la paix qui ont eu un succès absolument phénoménal avec des affiches, dont celle de Picasso, la colombe, qui est vraiment entrée dans l'histoire. Et là, En fait, est-ce que c'est vraiment la paix, les idées qu'on a derrière la tête en prônant la paix de cette manière? Eh bien, est-ce qu'on prépare pas la guerre suivante en affaiblissant l'adversaire? Donc là, il faut toujours aller voir qui va faire cette affiche. En dehors de cette période évidemment importante en durée, mais limitée malgré tout dans le temps que représente la guerre froide, la paix existe-t-elle sur les affiches à d'autres moments de l'histoire du XXe siècle? Alors on va se tourner tout de suite vers l'ONU, bien sûr, l'Organisation des Nations Unies, qui a eu, durant sa longue carrière et qui va continuer, eh bien, a beaucoup fait d'affiches pour la paix. Et là, elles sont intéressantes, ces affiches, parce que l'ONU représente souvent toutes les parties en présence dans un conflit potentiel. Et lorsqu'elle prône la paix, eh bien, elle doit le faire d'une manière qui vraiment doit être acceptée par tous. Et elle arrive à le faire. Et il y a des journées de la paix, il y a toute une série de mouvements que l'Organisation des Nations Unies a prôné et a accompagné d'affiches avec, bien sûr, on reprend alors des grands thèmes, les fleurs dont chaque pétale, c'est un drapeau, la colombe, bien entendu. Il y a une manière de l'ONU de prôner la paix et dont on sent que, bien sûr, c'est vraiment la paix qu'on veut. Alors, vous devinerez le caractère un tout petit peu ironique de ma question, mais la paix s'affiche-t-elle toujours avec une magnifique candeur à laquelle de moins en moins de gens ne finissent par adhérer ou même tout simplement croire? Y a-t-il une évolution? Est-ce qu'on arrive à voir dans les affiches, au-delà du premier message porteur au départ, une évolution tout de même dans les inventions graphiques, dans les propositions? Alors là, je dois dire que l'iconographie est relativement limitée. Il y a des affiches de texte où, notamment en Suisse, hein, lors de votations qui ont un lien avec soit l'armée, soit la paix, soit la mission de la Suisse, eh bien, on se lance dans des grands textes sur la paix, qui défendent la paix. Ou bien alors, la colombe continue d'avoir un succès inouï. C'est vraiment une référence maintenant. Chacun comprend, c'est une image. D'ailleurs, les affiches utilisent beaucoup ces images codifiées qui permettent de transmettre le message rapidement. Donc la colombe, tout le monde va le comprendre. Si la colombe, tout à coup, tombe du ciel avec quelques gouttes de sang qui tombent, on sait tout de suite ce que ça veut dire, même sans texte. Donc, il y a une certaine stabilité de l'iconographie autour de ces grandes images qui reviennent régulièrement. La lecture des affiches doit être simple et rapide. La symbolique doit être immédiatement identifiable. Comme en publicité, les dessins doivent être attirants, vifs et suggestifs. On glorifie les hommes qui sont partis sans tristesse, mais déterminés au front. La silhouette du héros-soldat est mise en avant et se détache souvent d'un paysage ravagé. Grâce à lui, l'ennemi ne passera pas. Bien des auteurs, des écrivains, bien des réalisateurs se sont approchés de la... ou ont travaillé l'esthétique de la guerre. L'affiche, on peut dire, en fait énormément partie. Vous dites, l'affiche de propagande doit rendre la guerre désirable et juste. Oui, c'est des mots terribles. Et c'est peut-être là où on voit des fois que la publicité... Enfin, on critique beaucoup la publicité, des fois quand même avec raison. C'est à la fin du 19e siècle que Gustave Le Bon écrit un livre qui est resté dans les mémoires, La psychologie des foules. Sur lequel nous reviendrons d'ailleurs probablement cette année dans l'Histoire vivante. Parce que c'est un ouvrage de référence absolue. Ouais. Et là, dans le sillage de ce qu'il écrit, que si on sait parler aux foules, on peut les manipuler et les faire faire pratiquement ce qu'on veut, eh bien ça va avoir une influence directe sur la publicité, notamment en France et en Allemagne au début du XXe siècle. Et par exemple, on voit apparaître une publicité très manipulatrice dès le début du XXe siècle. Je pense à... notamment un grand affichiste qui s'appelle Leonetto Capiello, qui pensait qu'avec des images pas forcément en rapport avec le produit à promouvoir, mais d'une image forte et attirante, clinquante, étonnante, tranchante, eh bien, il pouvait faire connaître et faire le succès de n'importe quel produit. Et sa première affiche dans le domaine, c'est pour un produit Swiss, le chocolat Klaus. Une affiche aussi qui est restée dans les mémoires, qui montre une jeune femme sur un cheval, qui n'a aucun rapport avec le produit, mais qui est tellement nouvelle, tellement violente quelque part, avec des couleurs très tranchées, sur un fond noir. Et ben voilà, ça a fait connaître énormément en France le chocolat Klaus. Et cette manière d'aborder la publicité, eh bien, a débouché sur une publicité vraiment manipulatrice, avec en tout cas une certitude que la publicité était très puissante, que l'affiche, parce que c'est vraiment au début du XXe siècle, c'est le monde de l'affiche, eh bien, peut amener à des comportements incroyables. Et c'est ça qui prépare en fait le premier grand mouvement de l'affiche guerrière, au fond, les affiches de la Première Guerre mondiale, où on assiste à un mouvement de propagande politique à une échelle mondiale, où l'affiche est pratiquement devenue une arme de discussion. Et bien sûr, les affiches des alliés sont connues, et les américaines, les françaises, les anglaises, avec des affiches qui vont rester dans l'iconographie mondiale, enfin, mais qui sont très fortes. Avec cet étonnant paradoxe, c'est que l'on a propagande et approche artistique. Elles ne se rejettent pas. La propagande pourrait vouloir dire simplement une machine à torpiller la pensée. Oui, mais il y a aussi de l'esthétique, il y a aussi un sens, une fibre artistique développée. Alors, effectivement, c'est l'association curieuse, étonnante, qui va réussir, d'artistes qui vont être prêts à mettre leur talent au service d'une guerre qu'ils considèrent comme juste. C'est la guerre, c'est leur pays. Je pense à la France, notamment, qui vont se dire « j'ai appris à faire de l'affiche ». De manière artistique, c'est vraiment la grande époque, et bien maintenant je vais la mettre au service de mon pays en faisant des affiches artistiques avec un message évidemment violent. Enfin, ce sont ces hommes dans ces tranchées, en fait, toutes ces affiches qui sont restées, c'est Lord Kitchener qui montre du doigt le passant en disant maintenant enrôle-toi. Et bien cette association va poser des problèmes, parce que cette publicité faite de cette manière va dire, mais est-ce qu'elle est vraiment artistique? Est-ce qu'elle a un statut artistique? Est-ce que l'intention n'est pas en train de détruire l'art? Est-ce que les grands idéaux qu'on a autour de l'art, d'ouvrir au beau et au vrai, enfin selon les formules, eh bien on n'est pas en train de les détourner? Alors là, durant la Première Guerre mondiale, le débat n'est plus à ce statut-là. Il s'agit vraiment de manipuler de telle manière que les foules donnent leur argent, donnent leur vie pour la guerre. Et là, maintenant, les meilleurs artistes, dont Steinlein, enfin, je prends Steinlein notamment parce que il a vraiment une carrière d'artiste, de peintre, eh bien, donne des affiches, réalise des affiches pour la France. Il s'est naturalisé français. Et ces affiches, eh bien, elles sont belles. Mais elles sont pour une intention évidemment très belliqueuse. L'ennemi est toujours caricaturé. L'Allemand est une brute haïssable, sanguinaire. C'est l'image du Bosch ou du Hun qui détruit notre patrimoine, viole nos femmes, rase les campagnes et ne respecte rien. Ou alors, on le représente déjà vaincu, à terre, laminé, épuisé, écrasé sous le poids de l'épargne. Pourtant, on ne le montre jamais blessé à mort, baignant dans son sang. Il pourrait alors susciter involontairement la pitié et exercer ainsi un contre-effet de propagande. La production industrielle, les besoins militaires et financiers doivent être sans cesse rappelés, tant la guerre moderne est totale. Les armes, les canons, les cartouches sont des éléments surreprésentés. Apparaissent sur les murs des villes des affiches représentant des hommes et des femmes de l'arrière, accomplissant leur devoir, souscrire aux emprunts de guerre. La guerre moderne est un gouffre financier. Chacun doit permettre que le combat se continue jusqu'à la victoire finale, sans oublier la période de reconstruction à venir. Peut-on dire, Jean-Charles Giroux, qu'on a des courants, ou plus exactement des pays, dont la qualité générale artistique est nettement plus en avance, moderne ou d'une incroyable esthétique, que d'autres pays? Est-ce qu'il y a un pays qui se détacherait, ou on a affaire plutôt au cas par cas d'abord des artistes individuels? Alors on doit quand même rendre hommage à la France, qui voit naître l'affiche artistique. C'est quand même à Paris, pour faire court, que Jules Chéret, que Toulouse-Lautrec, que Grün, que Steinlein, etc. C'est vraiment tous ces hommes qui sont des artistes, eh bien font des affiches, trouvent dans l'affiche un moyen de diffuser leur art dans la rue, de se faire connaître, et bien sûr, en allant dans la rue, eux aussi, eh bien, envoient un message. C'est-à-dire que leurs œuvres ne sont pas forcément pour des salons bourgeois, mais ils veulent être dans la rue, et être dans la rue, on sait que c'est jamais connoté très positivement. Mais en Toulouse-Lautrec, il a un bonheur dans ses affiches parce qu'il est dans la rue. Et mais on n'est pas dans l'affiche politique avec Toulouse-Lautrec. On est dans l'affiche de la vie du music hall, du cabaret, des lieux de plaisir ou des lieux de syphilis, comme on voudra, de Paris, fin 19e, début 20e. Voilà, alors l'affiche politique arrive après, en fait. Oui. L'affiche politique, elle existe, bien sûr, sous forme typographique. Donc, de nouveau, ce sont des affiches très réactives où on réagit en deux jours. On a fait des affiches pour réagir à l'adversaire et l'attaquer, qui sont affichées un peu partout. L'image dans l'affiche, et cette image dans l'affiche politique, c'est elle qui va, et encore aujourd'hui d'ailleurs, des fois interrogé sur l'utilisation de moyens artistiques pour des intentions plus que douteuses. Pour le bien de tous, la culpabilisation particulièrement mise en avant dans les affiches anglo-saxonnes est totale et volontaire. Elle incite à une réponse immédiate. Les images produites par les affichistes anglais et américains sont plus réalistes, plus sombres que celles produites par leurs collègues français. Ils emploient plus facilement des couleurs primaires, vives et contrastées, qu'ils traitent en aplats. Les formes sont aussi plus stylisées, parfois jusqu'à l'abstraction. Du côté allemand, on n'est pas en reste. Les affichistes produisent des images d'une qualité largement égale à celle de leurs adversaires, en cherchant des impacts visuels saisissants. Il faut noter que l'Allemagne est, à cette époque, le pays à la pointe de la création publicitaire. Il y a certains régimes, néanmoins, au XXe siècle, au début du XXe siècle, qui conjuguent deux choses, une révolution politique, mais également une révolution artistique. L'avant-garde, qu'elle soit russe, soviétique, qu'elle soit italienne, avec l'arrivée de Mussolini, met en face également le futurisme, sans compter évidemment le surréalisme. Est-ce que de ce point de vue-là, l'avant-garde a bousculé le monde de l'affiche et l'a fait exploser? Alors, vous l'avez cité, l'affiche soviétique, l'affiche de 1917, même un peu avant, l'affiche est utilisée comme moyen de propagande et l'image, dès les tout débuts de la Révolution, donc début 1917, on en a des exemples, elle est portée par l'affiche et dès qu'il y a des années presque d'or, 18, 19, 20, 21, enfin avant une reprise en main, où l'avant-garde se donne dans l'affiche de manière, mais exceptionnelle. Et ce sont des affiches faites d'une audace de couleurs, de formes, on dirait des découpages. Enfin, tout est permis pour faire passer le message. Et il faut reconnaître que ce message est souvent guerrier. Mais là, et de nouveau, l'ambiguïté est immense. L'affiche est tellement belle, tellement novatrice qu'elle fascine. Et je dois dire que sur le marché de l'affiche aujourd'hui, ces affiches guerrières atteignent des sommes phénoménales parce qu'elles sont devenues immensément rares. Jean-Charles Giroux, on va terminer avec ça. Vous êtes peut-être une personne qui a le goût du voyage et qui, lors de ses déplacements ailleurs, va aller voir les affiches d'ailleurs, musées d'affiches ou que sais-je. Est-ce que c'est le cas ou je m'abuse ? Non, c'est le cas, bien sûr. L'affiche est un monde qui ne connaît pas de frontières et on se retrouve avec des passions, des passionnés et des créateurs dans pratiquement tous les pays du monde, sachant bien sûr que l'affiche, si on prend la France ou la Suisse, sont des pays qui aiment l'affiche et qui l'utilisent encore beaucoup maintenant. D'autres pays qui sont des grands créateurs, je pense au Japon notamment, eh bien forcément là, il y a moins d'espace, la publicité a une autre manière d'être, mais le graphisme japonais est exceptionnel. Ou si on va dans des pays où, appelons-les des démocraties populaires, je pense au Vietnam notamment, l'affiche est vraiment une affiche de propagande encore très forte aujourd'hui, avec un style, une manière qui se maintient, en Corée du Nord notamment encore, ça existe. C'est une affiche, alors vraiment, on va politique, forte, souvent agressive, pas toujours, il faut quand même le dire, mais elle existe, il n'y a pas de frontières. Et puis, chaque pays, je dois dire, bien sûr, doit parler à sa population, donc doit adapter le message, le style, la manière à sa population pour être entendu. C'est vraiment l'affiche qui doit être comprise rapidement. Alors, je vous rappelle donc que Jean-Charles Giroux a écrit dans le magnifique catalogue Guerre et Paix, lié à l'exposition, qui se tient en ce moment à la Fondation Bonne-Mère, dont nous parlons cette semaine. Vous pourrez ainsi, vous procurant ce catalogue, découvrir quelques-unes des affiches dont nous avons parlé avec Jean-Charles Giroux. Et puis évidemment, aller voir l'exposition pour découvrir de plus près, non pas cette fois une copie, mais l'original. Merci à vous Jean-Charles Giroux. Merci.